Hier soir, j'irai sur l'esplanade de la Défense. Alors oui, je sais, ce n'est pas l'endroit le plus poétique du monde pour méditer sur la structure sociale, mais les sociologues prennent leur laboratoire où ils peuvent. J'observais le balai des travailleurs, et je me demandais si les principales lignes de fracture des sociétés contemporaines se situaient encore entre les classes sociales. Les tours de verre se vidaient lentement. Les ascenseurs recrachaient leurs grappes de cadres pressés, téléphone à la main, regard absorbé par quelques urgences financières dont l'humanité survivra probablement très bien. Costume sombre, chaussures impeccables, sac d'ordinateur, une procession assez homogène, ma foi. On aurait dit une migration saisonnière d'analystes financiers. Puis, quelques heures plus tard, la scène changea. Les bureaux s'étaient éteints, les traders commençaient à dormir, sans doute d'un sommeil agité peuplé de graphiques boursiers et de valeurs morales bafouées, pour certains. Et d'autres silhouettes apparurent. Chariots de ménage, sacs poubelles, cartons de livraison pour les restaurants encore ouverts. Et là, en observant cette étrange chorégraphie nocturne, j'ai eu une impression. Ce n'est qu'une impression, bien sûr, et les impressions sont des instruments scientifiques très douteux, mais enfin, elles ont parfois leur utilité et peuvent pousser à l'interrogation scientifique. J'ai eu l'impression donc que deux mondes se succédaient dans le même décor. Dans les bureaux, dans la journée, beaucoup d'hommes blancs, bien habillés, visiblement bien payés. Dans les équipes de nettoyage, dans les cuisines, dans les livraisons nocturnes, beaucoup plus de femmes et très souvent des personnes issues d'immigration ou de minorités ethniques. Alors je me suis demandé, quelle est aujourd'hui la véritable ligne de fracture de nos sociétés? Est-ce encore la classe sociale? Ou bien autre chose? Pendant longtemps, les sociologues ont pensé la structure des sociétés modernes à partir d'une seule grille de lecture, celle des classes sociales. Les sociétés industrielles semblaient organisées autour de positions économiques différentes, classe populaire, classe moyenne, classe supérieure si vous voulez. Mais à partir de la fin du XXe siècle, certains chercheurs ont commencé à se demander si cette grille de lecture restait suffisante, ou pire, si elle n'était pas obsolète. D'abord, parce que plusieurs sociologues ont décrit un phénomène de moyennisation des sociétés occidentales. Rappelez-vous Henri Mandras dont on a beaucoup parlé. Ensuite, parce que les formes de mobilisation collective semblaient évoluer. Le sociologue Alain Touraine observait l'apparition de nouveaux mouvements sociaux, mouvements féministes, écologistes ou mobilisation pour les droits des minorités. Les conflits sociaux semblaient porter moins exclusivement sur les questions économiques et davantage sur des enjeux culturels ou sociétaux. Dans la même veine, le politiste américain Ronald Engelhardt a défendu l'idée que les sociétés occidentales connaissaient une transformation des valeurs. Selon lui, les nouvelles générations se mobiliseraient moins pour des revendications matérielles comme les salaires, l'emploi, la redistribution, et davantage pour des valeurs post-matérialistes comme les droits des femmes, la protection de l'environnement ou les libertés individuelles. Plus récemment, le politiste américain Francis Fukuyama a décrit la montée d'une politique de l'identité. Dans de nombreuses démocraties, explique-t-il, les mobilisations politiques s'organisent de plus en plus autour de la reconnaissance de groupes définis par le genre, l'origine, la religion ou la culture. Mais si ces analyses sont justes, alors une question se pose. Les lignes de fracture de nos sociétés sont-elles des fractures de classe? Ou bien se situent-elles désormais ailleurs? Dans les rapports sociaux de genre, dans les rapports interethniques ou dans les identités culturelles? Et pourquoi d'ailleurs les opposer? À la fin des années 1980, la juriste américaine Kimberly Williams Crenshaw proposa un concept qui allait faire fortune dans les sciences sociales, l'intersectionnalité. En étudiant la situation des femmes noires aux États-Unis, elle montrait que certaines personnes pouvaient subir simultanément plusieurs formes de domination, liées au genre, à la couleur de peau et à la classe sociale. Ces formes d'inégalité ne s'additionnent pas simplement, elles s'entrecroisent et produisent des situations particulières, mais on ne peut pas dire que l'une de ces formes d'inégalité serait plus prégnante que l'autre. Et finalement, si je repense à cette promenade nocturne sur l'esplanade de la Défense, je me dis que l'on observe peut-être déjà quelque chose de ce phénomène. Dans certains emplois très précaires, nettoyage, hôtellerie, restauration, on retrouve souvent une concentration de plusieurs formes de vulnérabilité sociale, des emplois peu rémunérés, occupés majoritairement par des femmes et très souvent par des personnes issues de l'immigration ou de minorités ethniques. Dans ces situations, les inégalités ne s'expliquent pas uniquement par la classe sociale, ni uniquement par le genre ou l'origine. Elles résultent de l'entrecroisement de ces différents rapports sociaux. Autrement dit, pour comprendre les inégalités contemporaines, il ne s'agit peut-être pas de choisir entre classe, genre ou origine. Il s'agit plutôt de comprendre comment ces différentes lignes de fracture se superposent et s'entremêlent.